sur le poignet ça brille. Soleil dans la nuit, les jaloux chuchotent. Leur envie me poursuit, tic-tac du temps. Le luxe m'appartient, chaque seconde qui passe, gravé dans mes mains. Chronographe au bras, j'écrase les minutes. Rue pavée d'or, mais pas fond des disputes. Les chiffres tournent, mais jamais pour eux. J'avance en silence, Rolex pour les heureux. Rolex au poignet, je domine la scène. Chaque diamant reflète ma peine. Tic tac, je cours toujours en avance. Dans ce rap français, je mène la danse. Cadran étincelant, reflet de mes victoires. Mécanique suisse, précis comme mon histoire. Dans les rues de Paris, je trace ma voie. Mon temps vaut de l'or, pas d'espace pour la foi. Chaque tour de l'aiguille, c'est un choix de ma vie. L'horloge m'appelle, mais je suis jamais pris. L'argent dans l'acier, gravé dans l'infini. Le luxe au quotidien, c'est moi qui l'écris. Rolex au poignet, je domine la scène. Chaque diamant reflète ma peine. Tic tac, je cours toujours en avance. Dans ce rap français, je mène la danse. Français, je mène la danse.